On a ici à Mons, le mercredi 8 juillet, environ 9h passées, 9h30, devant la chambre de conseil pour le procès de Maouda. Je suis ici avec un membre du comité Maouda qui va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici et pourquoi cette audience. Je m'appelle Martin, je suis partie du comité Maouda Vérité et Justice. Donc c'est la deuxième chambre du conseil qui a été reportée. Donc c'est un moment important dans la longue histoire déjà de cette affaire. Parce que donc suite aux reconstitutions, le policier a été enfin inculpé. Ça c'était un des premiers points sur lesquels nous on a beaucoup insisté. C'est que tout le long de l'instruction, le policier n'a jamais été inculpé, n'a jamais fait un seul jour de prison alors qu'il déclare les faits depuis le départ. Et que le parquet de Mons a été jusqu'à arrêter en Angleterre le présumé chauffeur pour l'arrêter, pour l'inculper de rébellion armée et entraîner la mort. Et donc, on voit qu'il y a eu un renversement des responsabilités dans le meurtre, où on a essayé de faire passer le conducteur de la camionnette comme meurtrier et le chauffeur comme ayant involontairement tiré sur le pistolet. Donc, nous, on a publié ici lundi une carte blanche où on explique les raisons pour lesquelles on voudrait qu'il y ait un procès d'assises, parce qu'il apparaît de plus en plus clair que le caractère involontaire de l'homicide, c'est la stratégie classique des policiers, de toujours dire que les meurtres sont involontaires et d'accuser la victime de rébellion. Mais avec les éléments, l'enquête réalisée par Michel Bouffiou, le fait que c'est une affaire d'État, qu'il y a de plus en plus de la lumière sur les faits qui se sont passés, le caractère involontaire semble de plus en plus indéfendable. Donc on sait que le policier a dû charger l'arme, il a dû tirer en direction de la camionnette et exercer une force. Donc l'avocate expliquait qu'il faut avoir deux bouteilles d'eau de 1,5 litre de chaque côté avec une corde entre les deux et il faut les soulever avec les deux pouces. Ça c'est 3 kilos, la force qu'il faut exercer pour tirer. Donc il n'y a absolument pas d'homicide involontaire. Ça semble clair et net. La discussion en chambre du conseil va tourner autour du fait de quel type de meurtre il s'agit, puisque probablement que la volonté de tuer n'était pas dans le chef du policier. Et donc, il y a une catégorie juridique intermédiaire entre meurtre au premier degré et coups et blessures ayant entraîné la mort. Coups et blessures ayant entraîné la mort, c'est plus dans le cadre d'une bagarre. Les choses sont on n'a pas l'intention de tuer la personne et finalement, elle décède. C'est le meurtre par dol involontaire. Et dol involontaire, ça veut simplement dire que la personne qui tire sait qu'elle court, enfin qu'elle prend le risque d'éventuellement tuer. Le rapport du comité P a rappelé lui-même qu'on ne tire pas sur des cibles en mouvement. Il y a encore une semaine, il y a eu une course-poursuite à Waterloo, une voiture à 170 km/h. À aucun moment, la police n'a tiré. Donc on voit bien qu'on est dans un cadre spécifique qui sont les opérations Médusa de traque aux migrants et que depuis le départ, il y a une volonté de couvrir ce crime. Donc nous, on veut qu'il y ait cour d'assises pour qu'on puisse instruire le caractère du meurtre, parce que nous, on qualifie ça de meurtre d'État, au sens où le policier tire, mais il est fonctionnaire d'État. Et donc, il tire dans un cadre qui est une procédure de traque aux migrants. Et donc, on a besoin, en Belgique, pour que ces opérations Médusa puissent être visibilisées et qu'on puisse arrêter d'avoir ce type d'opération de guerre contre les migrants, de comprendre quels sont les ordres, quelles sont les ambiances dans les commissariats, quelles sont les procédures qui amènent à cette idée qu'il faut chasser les migrants à tout prix, il faut les poursuivre et les arrêter en dehors du droit, puisque forcément, ce que rappelle le comité paix, c'est qu'il y a un certain nombre de procédures en état de droit, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en arrêtant et en poursuivant des gens. Donc pour nous, aujourd'hui, l'objectif est de manifester une présence. La carte blanche est rappeler un certain nombre d'événements et insister pour qualifier ce meurtre de meurtre d'État, considérant donc que le policier a commis un meurtre par dol involontaire, donc il n'y a pas une volonté de tuer. Par contre, il y a un cadre d'opération qui rend possible ce type d'acte. Et pour nous, le danger, évidemment, est que si la justice décide de qualifier d'homicide involontaire, en fait, implicitement, c'est un permis de tuer qui est donné au policier. C'est-à-dire, la prochaine fois que ce type d'événement se passera, ben en fait, on va couvrir. C'est d'autant plus important que maintenant, on sait que la coalition de fonctionnaires a eu lieu dès c'est le matin, donc les idées me viennent aussi difficilement, dès l'aire d'autoroute. Donc les policiers, quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont dit aux ambulanciers que c'était un hématome crânien. C'est pour ça qu'il y a eu cette première hypothèse qui a été relayée par le parquet de Mons, des enfants qui auraient été utilisés comme bouclier humain. ce qui a permis à Bart De Wever et au Vlaams Belang de surenchérir sur la responsabilité des parents, avec tout ce racisme migrophobe, que les migrants sont prêts à tout pour traverser, jusqu'à jeter des enfants. Donc les premiers témoignages, c'était les migrants jetaient des enfants sur la camionnette, donc c'est clairement du racisme institutionnalisé. Et donc on sait que la police a d'emblée donné une version erronée et faussée aux infirmières. Et donc il a fallu plus tard une autopsie pour voir que en fait il y avait un trou qui correspond à une à un tir et que donc il s'agit pas d'un hématome crânien. À partir de ce moment-là, le parquet de Mons a dû mettre en place une autre théorie qui était celle de qui est encore maintenant en discussion de la voiture comme arme par destination. Donc c'était considéré que le conducteur de la camionnette avait eu un comportement dangereux puisque comme il n'y a pas eu de tir de la part des migrants, ben pour que ça soit pas un meurtre, il faut inventer une fiction qui montre le caractère involontaire du tir. Il se fait que le coéquipier du policier, durant la reconstitution, a déclaré lui-même qu'il n'y avait pas eu d'embardé. Il n'y a probablement pas de traces de coups sur la voiture de police. Et l'enquête de Michel Bouffiou montre que l'embardé a eu lieu plus tôt. Il y a eu une tentative du conducteur de la camionnette d'essayer de sortir de l'autoroute et de se rabattre. Et du coup, la version des policiers est d'essayer de fusionner, de confondre ces deux événements. Donc voilà, pour nous c'est important qu'il y ait un procès d'assises pour qu'on puisse vraiment entendre l'ensemble des témoins. On voudrait par exemple que les infirmiers puissent être entendus, on voudrait que les différentes personnes qui ont des perspectives sur ce meurtre-là puissent en parler, qu'il puisse y avoir une enquête ouverte sur le contexte Medusa. Donc en tant que comité Maouda, on a demandé déjà depuis un an et demi une commission d'enquête parlementaire en disant qu'on voyait bien que l'instruction n'était pas menée d'une telle façon que le contexte des opérations Medusa allait être un contexte qui allait faire partie de l'instruction, que tout était ramené sur le policier et sur des problèmes de communication. Et donc, pour nous, la seule possibilité à l'heure actuelle, c'est la cour d'assises. Aussi, le président de la cour d'assises a des possibilités d'enquête complémentaire. Donc, on aimerait bien que le chef de corps puisse être entendu, qu'on puisse essayer de savoir quelles ont été les différentes communications bien instruire le contexte Medusa. Alors, donc ça, c'est sur le versant juridique. Sur le versant politique, nous, on demande l'arrêt des opérations Medusa. L'affaire Maouda, pour nous, est un point de rupture, mais on sait que Get in the Voice a publié régulièrement le nombre de morts sur la route en Belgique. On sait que ce contexte de traque aux migrants favorise des crimes, des morts non justifiées. Elles font partie d'un contexte européen avec Frontex qui est de fermer les frontières extérieures, de mener la traque à l'intérieur. Et pour nous, les opérations Medusa, elles servent à terroriser les migrants pour qu'ils ne passent plus par la Belgique. Historiquement, ces opérations ont été mises en place après le démantèlement de Calais, quand les migrants repassaient par la route de l'ouest en Flandre. C'est les premières opérations Medusa à cet endroit-là et elles visaient à exercer une pression policière suffisante pour terroriser les migrants. C'est des choses qui sont relayées. Le Refugee Women's Center, qui est basé à Grand-Synthe, la nuit précédente du meurtre de Maouda, la famille était présente sur place. Et quand on va lire les témoignages de migrants qui passent par Grand-Synthe, ils expliquent tous que la police belge est la pire police qu'ils aient rencontrée. Donc on voit qu'il y a ce climat qui vise à terroriser les populations migrantes. Et donc voilà, pour nous, l'objectif, c'est d'obtenir un procès d'assises pour que les opérations Medusa soient qu'on puisse comprendre ce qu'elles font et politiquement d'amener le démantèlement de ce type de politique qui vise à mener la guerre aux migrants. Voilà. Et donc aujourd'hui, à l'audience, ils vont décider s'il y a moyen de poursuivre le procès ou pas. Donc le procès sera de toute façon poursuivi. Mais les différentes discussions vont tourner au fait de est-ce que c'est un homicide involontaire et donc en cours correctionnel, est-ce que c'est un meurtre et donc en cours d'assises, ou est-ce que c'est un meurtre par dol et homicide involontaire, donc quel type de juridiction. Donc il y aura procès, ce qui n'était pas gagné d'emblée. Et pour nous, le combat, ce pourquoi on est présent, pourquoi on a fait cette carte blanche, c'est qu'on pense que comme il s'agit d'un fonctionnaire d'État, dans le cadre d'opérations gouvernementales Medusa, c'est un meurtre d'État. Et donc, on veut éviter que le conducteur de la camionnette soit chargé comme co-auteur. Donc ça, c'est la stratégie du parquet qui vise à surcharger cette personne. Et donc on voit c'est de nouveau du racisme institutionnalisé, que le poids des responsabilités est inversé. Donc la personne qui a tué, j'ai dit ça tout à l'heure, est considérée comme involontaire. Le conducteur de la camionnette prend toute la charge. Le conducteur est aujourd'hui en prison, le policier n'a jamais été arrêté, son arme lui a été rendue, il n'y a pas eu de procès disciplinaire. Donc on voit bien qu'il y a une impunité. On est dans toute la séquence Black Lives Matter où cette question de l'impunité policière, des crimes policiers, fait vraiment l'actualité. Pour nous aussi, c'est une façon de dire que la justice a une part dans cette construction du racisme institutionnalisé de la police, de l'impunité des crimes policiers. Et on voit que pour nous, c'est vraiment de décharger cette qualification d'homicide involontaire qui est systématiquement plaidée pour la part de la police. Que des avocats de policiers défendent ce type de stratégie, ils sont payés pour ça. Mais l'inquiétude est quand la justice acte et relaxe, donc considère qu'il y a non-lieu, etc. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les policiers. Et après, évidemment, la cour d'assises, c'est pour avoir un procès politique qui prenne le temps de déplier toutes les conséquences des opérations Médusa et de pouvoir entendre peut-être même jusqu'aux responsables politiques de venir s'expliquer sur quelles sont les directives, parce qu'on sait qu'il y a des directives qui sont données, mais on ne sait pas quelles elles sont, pour comprendre comment on arrive à des situations comme celle-là. Ouais, voilà. Wow, beaucoup de boulot. Donc, c'est Comité Maouda. Ouais, voilà. Donc, on a un site internet. Vous tapez Comité Maouda Vérité et Justice. Donc, il y a un blog et il y a un Facebook. Donc, là, vous avez toutes les informations, les différentes cartes blanches, les différentes prises de position, des informations. Je vous invite aussi à lire, si vous ne l'avez pas fait, les enquêtes de Michel Bouffiou, qui sont sur le blog de Michel Bouffiou, qui prend vraiment bien le temps d'analyser l'ensemble de l'affaire. Voilà, ça c'est pour la suite. Ouais. Bien, merci pour toute l'explication. Voilà.